Bonjour et bienvenue dans Allo Coach série course à pied. Bonjour coach Stéphane Masson. Aujourd'hui, nous allons parler de running nature, loin du bitume et des pavés qui peuvent s'avérer de pièges redoutables pour les chutes. Merci de nous faire plaisir d'être avec nous, coach. Alors, pourquoi et pour quel plaisir pratiquer le running nature? Bonjour Émilie, bonjour à tous. Déjà, l'idée première du running est de courir librement sur une surface plane, sans entrave, sans obstacle. Alors sur la route en campagne, le long des rivières, sur les pistes cyclables ou en ville, tout simplement dans la rue. Rien que cela, et si peu que la météo soit de la partie, soleil léger, petit vent doux dans les cheveux, constitue déjà un grand bonheur auquel on adhère tous forcément sans rechigner. Alors, cela étant, et sans vouloir faire le rabat-joie de service, il s'agit souvent de revêtements en béton, de dalles ou de bitume, reconnus comme des surfaces avec un bon rendement, donc agréable à la pratique, mais du coup, dur et peut-être trop dur à la longue pour nos petits corps fragiles. On en a déjà parlé, mais de toute façon, nous allons en reparler. Alors, car le problème des surfaces rigides, en tout cas trop rigides, est qu'elles n'épargnent pas notre santé, en tout cas la santé de notre squelette, de nos muscles, de nos articulations, de notre colonne vertébrale mise à dure épreuve durant les running. Le problème, c'est l'impact. L'impact dont nous avons besoin, et là je fais un petit saut au-dessus d'une barre d'eau, l'impact dont nous avons besoin pour donner l'impulsion, pour pousser vers l'avant lors de la course, transmet une onde de choc qui se propage du pied jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'en haut même de la colonne vertébrale. Et cette onde de choc ne fait pas que du bien à notre corps, surtout lorsque l'on rentre dans une dynamique de longue distance et après avec les années de pratique. Alors, vous allez me poser la question, mais quelle est la parade? Heureusement, il y en a une. La parade est déjà la bonne préparation physique. On en a déjà parlé et on en reparlera parce que c'est vraiment récurrent. Très importante. Du running, ouais, très important. C'est la préparation physique avec du renforcement musculaire qui va permettre de bien maintenir tout votre corps et d'avoir une bonne attitude, une bonne posture, et les étirements réguliers et spécifiques pour la course à pied qui sont vitaux aussi pour garder la plasticité et l'élasticité musculaire dont on a besoin pour fournir notre effort. Ensuite, eh bien, vous avez la possibilité de choisir d'autres pratiques comme la natation par exemple ou le vélo, hein. Ça c'est de bon ton également. Alors parce que ces pratiques sont beaucoup moins traumatisantes, hein, la natation moins traumatisante et le vélo, comme c'est un sport porté, c'est très agréable et ça ne traumatise pas du tout le squelette et les muscles. Après, lorsque l'on est mordu, comme vous, Émilie, et qu'il est difficile de quitter les chaussures de running pour une autre pratique, il y a la solution de courir en nature, en forêt, dans les champs, dans les parcs, en tout cas à la campagne. Cette option a bien des avantages. Alors tout d'abord, le sol, puisque c'est un petit peu le point noir du macadam. Il est possible de courir sur des chemins de terre souples. Alors si possible, en forêt, avec des, vous savez, le sol très tourbeux comme ça, avec le lit un peu de feuilles, alors là, c'est le bonheur, qui va nous éloigner de la rudesse du bitume. Ensuite, le cadre souvent très joli et très varié participe à la quiétude de la tête, qui va se ressourcer, et ça, ce n'est pas négligeable. Des études récentes ont montré qu'il y a des effets positifs de la nature sur l'équilibre émotionnel, sur l'équilibre mental et psychique. Par ailleurs, et là ce sont les Japonais et les Américains qui en sont fans, il s'agit de la sylvothérapie qui consiste à être en contact physique de la nature et plus précisément de la végétation, des arbres, des plantes herbacées et aussi de respirer à plein poumon l'air pur de la campagne verdoyante. Ça change de la ville. Ça change. Et puis en plus, il faut savoir que le cet air contient une molécule très bénéfique pour l'organisme, qui s'appelle la phytoncide, qui entre autres aide à renforcer le système immunitaire. Et sans oublier bien sûr le bien-être immédiat que cette mère nature nous apporte dès qu'on s'y baigne. Et bien sûr, alors n'oubliez pas de vous faire accompagner d'un spécialiste de running qui saura vous indiquer dans votre région les bons endroits pour aller courir en toute quiétude et bénéficier de tous ces avantages. Et n'oubliez pas non plus le maître mot en sport et surtout en running, progressivité, régularité. Merci beaucoup Stéphane, voici plein de bonnes raisons de se mettre au running nature. Et effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher, parfois il y a des groupes ou de coachs pour avoir les bons conseils, les bons plans, les bons parcours en fonction des distances. Généralement, les coachs ont tout ça, que vous pourriez du 5, du 10, du 15, voire plus, si affinité. Et bien sûr, donc pour tout coaching personnalisé, vous pouvez contacter Stéphane Masson sur son site internet, masson-coach.com. Toutes les informations pour vous retrouver, donc soit en coaching personnalisé en face à face ou encore même en visio, hein, ça se fait très bien, ou même par téléphone, si on a besoin de conseils par téléphone, il ne faut surtout pas hésiter à rejoindre Stéphane. À vos baskets, tout le monde, pour un petit running nature. À vos baskets et prenez beaucoup de plaisir à courir surtout en nature. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt pour un prochain Avec sujet. Avec plaisir, au revoir Emilie, au revoir à tous. Au revoir à tous, merci.